see the same. Oh, my dog, really beat you, I can't see the light of day. When will it see, when you play that engine into the ring and let, and ask everybody then in the street to stand right up. Ben là, je suis dans la salle du restaurant, là. Il n'y a pas un chat. C'est le désert dans la rue. Ouais, je suis ouvert, là, ouais. Je suis là le matin, enfin, le resto est ouvert, les gens peuvent boire le café à partir de 8h30, 8h, puis après jusqu'à... Normalement, je fais le service jusqu'à... Enfin, qu'est-ce que je raconte, 21h30 le soir. Mais là, en ce moment, c'est super calme, fin janvier, c'est... J'ai plus de monde à midi que j'en ai le soir.